Les écologistes, ils ont raison de demander certaines choses, sauf qu'il ne faut pas tomber dans la démagogie non plus, de dire exagérer à l'extrême comme il y en a qui font. On n'est pas en 1930. Il y a des lois et règlements qu'il faut respecter. Puis l'industrie minière est déjà en avant là-dedans. Alors, faut pas qu'on embarque dans le jeu de certains qui sont des extrémistes partout pour empêcher de fermer les régions puis que tout devienne de Montréal.